Allô Clem? Ouais, tu m'entends? Moi, je voulais te dire que je suis en train de picoler devant mon ordi là. Je traîne sur Facebook, mais y a rien pour moi. Puis c'est pas très intéressant. Moi, je bois tout seul chez moi. En plus, on est samedi soir. Je sais que toi, t'es un concert et tout. T'es au Ramoneur de Menhir, mais moi, en fait, j'avais deux choses de prévues. Aujourd'hui, je devais aider Apolline pour un déménagement cet après-midi. Et ce soir, je devais aller boire un coup à l'anniversaire d'Anne-Charlotte. Et ben, le jour J, figure-toi, Apolline, elle m'a pas appelé et Anne-Cha non plus. Alors, je me retrouve comme un con un samedi soir à picoler devant mon ordi, voilà. Je déteste ma vie, tu sais. J'ai vraiment une vie de merde. Et c'est pas du pessimisme de dire ça. En ce moment, c'est la réalité. Y a des gens qui pensent que je suis connu. Putain. Si, ils savaient la vie de con que j'ai parfois. J'enregistre des chansons. Ça me fait du bien. En fait, je supporte pas être tout seul. Je supporte pas être tout le temps avec quelqu'un non plus. Alors, c'est pas évident. Enfin, là, ce soir, j'aurais bien aimé être avec quelqu'un, quoi. Enfin. Bon, y a ma pizza au four depuis 10 minutes. Elle doit être prête. Alors, je te laisse. Salut. Salut.